Livre 11, deuxième partie. Après avoir demeuré longtemps sans entendre parler de l'Émile, depuis que je l'avais remis à Madame de Luxembourg, j'appris enfin que le marché en était conclu à Paris avec le libraire Duchesne, et par celui-ci avec le libraire Neholm d'Amsterdam. Madame de Luxembourg m'envoya les deux doubles de mon traité avec Duchesne pour les signer. Je reconnus l'écriture pour être de la même main dont était celle des lettres de M. de Malesherbes, qu'il ne m'écrivait pas de sa propre main. Cette certitude que mon traité se faisait de l'aveu et sous les yeux du magistrat me le fit signer avec confiance. Duchesne me donnait de ce manuscrit 6 000 francs, la moitié comptant, et, je crois, 100 ou 200 exemplaires. Après avoir signé les deux doubles, je les renvoyai tous deux à Madame de Luxembourg, qui l'avait ainsi désiré. Elle en donna un à Duchesne, elle garda l'autre, au lieu de me le renvoyer, et je ne l'ai jamais revu. La connaissance de Monsieur et de Madame de Luxembourg, en faisant quelques diversions à mon projet de retraite, ne m'y avait pas fait renoncer. Même au temps de ma plus grande faveur auprès de Madame la Maréchale, j'avais toujours senti qu'il n'y avait que mon sincère attachement pour Monsieur le Maréchal et pour elle qui pût me rendre leurs entours supportables. Et tout mon embarras était de concilier ce même attachement avec un genre de vie plus conforme à mon goût et moins contraire à ma santé que cette gêne et ses soupers tenaient dans une altération continuelle, malgré tous les soins qu'on apportait à ne pas m'exposer à la déranger. Car sur ce point, comme sur tout autre, les attentions furent poussées aussi loin qu'il était possible. Et par exemple, tous les soirs après souper, Monsieur le Maréchal, qui s'allait coucher de bonne heure, ne manquait jamais de m'emmener, bon gré mal gré, pour m'aller coucher aussi. Ce ne fut que quelque temps avant ma catastrophe qu'il cessa, je ne sais pourquoi, d'avoir cette attention. Avant même d'apercevoir le refroidissement de Madame la Maréchale, je désirais, pour ne m'y pas exposer, d'exécuter mon ancien projet, mais les moyens me manquant pour cela, je fus obligé d'attendre la conclusion du traité de l'Émile, et en attendant, je mis la dernière main au contrat social, et l'envoyai à Ré, fixant le prix de ce manuscrit à 1 000 francs qu'il me donna. Je ne dois peut-être pas omettre un petit fait qui regarde le dit manuscrit. Je le remis bien cacheté à Duvoisin, ministre du pays de Vaud et chapelain de l'hôtel de Hollande, qui me venait voir quelquefois, et qui se chargea de l'envoyer à Ré, avec lequel il était en liaison. Ce manuscrit, écrit en menu caractère, était fort petit et ne remplissait pas sa poche. Cependant, en passant la barrière, son paquet tomba, je ne sais comment, entre les mains des commis, qui l'ouvrirent, l'examinèrent et le lui rendirent ensuite, quand il l'eut réclamé au nom de l'ambassadeur, ce qui le mit à portée de le lire lui-même, comme il me marqua naïvement avoir fait, avec force éloge de l'ouvrage, et pas un mot de critique ni de censure, se réservant sans doute d'être le vengeur du christianisme lorsque l'ouvrage aurait paru. Il recacheta le manuscrit et l'envoya à Ré. Tel fut en substance le narré qu'il me fit dans la lettre où il me rendit compte de cette affaire, et c'est tout ce que j'en ai su. Outre ces deux livres et mon dictionnaire de musique, auquel je travaillais toujours de temps en temps, j'avais quelques autres écrits de moindre importance, tous en état de paraître, et que je me proposais de donner encore, soit séparément, soit avec mon recueil général, si je l'entreprenais jamais. Le principal de ces écrits, dont la plupart sont encore en manuscrit dans les mains de Dupérou, était un essai sur l'origine des langues, que je fis lire à M. de Malesherbes et au chevalier de Laurency, qui m'en dit du bien. Je comptais que toutes ces productions rassemblées me vaudraient au moins, tout frais fait, un capital de 8 à 10 000 francs, que je voulais placer en rente viagère, tant sur ma tête que sur celle de Thérèse. Après quoi nous irions, comme je l'ai dit, vivre ensemble au fond de quelque province, sans plus occuper le public de moi et sans plus m'occuper moi-même d'autre chose que d'achever paisiblement ma carrière, en continuant de faire autour de moi tout le bien qu'il m'était possible, et d'écrire à loisir les mémoires que je méditais. Tel était mon projet, dont la générosité de Ré, que je ne dois pas taire, vint faciliter encore l'exécution. Ce libraire, dont on me disait tant de mal à Paris, est cependant, de tous ceux avec qui j'ai eu affaire, le seul dont j'ai eu toujours à me louer. Nous étions, à la vérité, souvent en querelle sur l'exécution de mes ouvrages. Il était étourdi, j'étais emporté. Mais en matière d'intérêt et de procédés qui s'y rapportent, quoique je n'aie jamais fait avec lui de traité en forme, je l'ai toujours trouvé plein d'exactitude et de probité. Il est même aussi le seul qui m'ait avoué franchement qu'il faisait bien ses affaires avec moi. Et souvent, il m'a dit qu'il me devait sa fortune, en m'offrant de m'en faire part. Ne pouvant exercer directement avec moi sa gratitude, il voulut me la témoigner au moins dans ma gouvernante, à laquelle il fit une pension viagère de 300 francs, exprimant dans l'acte que c'était en reconnaissance des avantages que je lui avais procurés. Il fit cela de lui à moi, sans ostentation, sans prétention, sans bruit. Et si je n'en avais parlé le premier à tout le monde, personne n'en aurait rien su. Je fus si touchée de ce procédé que depuis lors je me suis attachée à Ré d'une amitié véritable. Quelque temps après, il me désira pour parrain d'un de ses enfants. J'y consentis. Et l'un de mes regrets dans la situation où l'on m'a réduit est qu'on m'ait ôté tout moyen de rendre désormais mon attachement utile à ma filleule et à ses parents. Pourquoi, si sensible à la modeste générosité de ce libraire, le suis-je si peu aux bruyants empressements de tant de gens haut huppés, qui remplissent pompeusement l'univers du bien qu'ils disent m'avoir voulu faire et dont je n'ai jamais rien senti? Est-ce leur faute? Est-ce la mienne? Ne sont-ils que vains? Ne suis-je qu'un ingrat? Lecteur sensé, pesé, décidé. Pour moi, je me tais. Cette pension fut une grande ressource pour l'entretien de Thérèse, et un grand soulagement pour moi. Mais, au reste, j'étais bien éloignée d'en tirer un profit direct pour moi-même, non plus que de tous les cadeaux qu'on lui faisait. Elle a toujours disposé de tout elle-même. Quand je gardais son argent, je lui en tenais un fidèle compte, sans jamais en mettre un liard dans notre commune dépense, même quand elle était plus riche que moi. « Ce qui est à moi est à nous, lui disais-je, et ce qui est à toi est à toi. » Je n'ai jamais cessé de me conduire avec elle selon cette maxime, que je lui ai souvent répétée. Ceux qui ont eu la bassesse de m'accuser de recevoir par ses mains ce que je refusais dans les miennes, jugeaient sans doute de mon cœur par les leurs et me connaissaient bien mal. Je mangerais volontiers avec elle le pain qu'elle aurait gagné, jamais celui qu'elle aurait reçu. J'en appelle sur ce point à son témoignage, et dès à présent, et lorsque, selon le cours de la nature, elle m'aura survécu. Malheureusement, elle est peu entendue en économie à tous égards, peu soigneuse et fort dépensière, non par vanité ni par gourmandise, mais par négligence uniquement. Nul n'est parfait ici-bas. Et puisqu'il faut que ses excellentes qualités soient rachetées, j'aime mieux qu'elle ait des défauts que des vices, quoique ces défauts nous fassent peut-être encore plus de mal à tous deux. Les soins que j'ai pris pour elle, comme jadis pour maman, de lui accumuler quelque avance qui pût un jour lui servir de ressource, sont inimaginables. Mais ce furent toujours des soins perdus. Jamais elles n'ont compté ni l'une ni l'autre avec elle-même. Et malgré tous mes efforts, tout est toujours parti à mesure qu'il est venu. Quelque simplement que Thérèse se mette, jamais la pension de Ré ne lui a suffi pour se nipper. que je n'y ai encore suppléé du mien chaque année. Nous ne sommes pas faits, ni elle ni moi, pour être jamais riches, et je ne compte assurément pas cela parmi nos malheurs. » Le contrat social s'imprimait assez rapidement. Il n'en était pas de même de l'Émile, dont j'attendais la publication pour exécuter la retraite que je méditais. Duchesne m'envoyait de temps à autre des modèles d'impression pour choisir. Quand j'avais choisi, au lieu de recommencer, il m'en envoyait encore d'autres. Quand enfin nous fûmes bien déterminés sur le format, sur le caractère, et qu'il avait déjà plusieurs feuilles d'imprimer, sur quelques légers changements que je fis à une épreuve, il recommença tout, et au bout de 6 mois, nous nous trouvâmes moins avancés que le premier jour. Durant tous ces essais, je vis bien que l'ouvrage s'imprimait en France ainsi qu'en Hollande, et qu'il s'en faisait à la fois 2 éditions. Que pouvais-je faire? Je n'étais plus maître de mon manuscrit. Loin d'avoir trempé dans l'édition de France, je m'y étais toujours opposé. Mais enfin, puisque cette édition se faisait bon gré malgré moi, et puisqu'elle servait de modèle à l'autre, il fallait bien y jeter les yeux et voir les épreuves, pour ne pas laisser estropier et défigurer mon livre. D'ailleurs, l'ouvrage s'imprimait tellement de l'aveu du magistrat que c'était lui qui dirigeait en quelque sorte l'entreprise, qu'il m'écrivait très souvent et qu'il me vint voir même à ce sujet, dans une occasion dont je vais parler à l'instant. Tandis que Duchesne avançait à pas de tortue, Néholm, qu'il retenait, avançait encore plus lentement. On ne lui envoyait pas fidèlement les feuilles à mesure qu'elles s'imprimaient. Il crut apercevoir de la mauvaise foi dans la manœuvre de Duchesne, c'est-à-dire de Guy, qui faisait pour lui. Et, voyant qu'on n'exécutait pas le traité, il m'écrivit lettre sur lettre, pleine de doléances et de griefs, auxquels je pouvais encore moins remédier qu'à ceux que j'avais pour mon compte. Son ami Guérin, qui me voyait alors fort souvent, me parlait incessamment de ce livre, mais toujours avec la plus grande réserve. Il savait et ne savait pas qu'on l'imprimait en France. Il savait et ne savait pas que le magistrat s'en mêla. En me plaignant des embarras qu'allait me donner ce livre, il semblait m'accuser d'imprudence, sans vouloir jamais dire en quoi elle consistait. Il biaisait et tergiversait sans cesse. Il semblait ne parler que pour me faire parler. Ma sécurité pour lors était si complète que je riais du ton circonspect et mystérieux qu'il mettait à cette affaire, comme d'un tic contracté chez les ministres et les magistrats, dont il fréquentait assez les bureaux. Sûr d'être en règle à tous égards sur cet ouvrage, fortement persuadé qu'il avait non seulement l'agrément et la protection du magistrat, mais même qu'il méritait et qu'il avait de même la faveur du ministre, je me félicitais de mon courage à bien faire, et je riais de mes pusillanimes amis, qui paraissaient s'inquiéter pour moi. Duclos fut de ce nombre, et j'avoue que ma confiance en sa droiture et en ses lumières eût pu m'alarmer à son exemple, si j'en avais eu moins dans l'utilité de l'ouvrage et dans la probité de ses patrons. Il me vint voir de chez M. Baille, tandis que l'Émile était sous presse. Il m'en parla, je lui lus la profession de foi du vicaire savoyard, il l'écouta très paisiblement, et ce me semble avec grand plaisir. Il me dit quand j'eus fini, « Quoi, citoyen, cela fait partie d'un livre qu'on imprime à Paris ?»« Oui, lui dis-je, et l'on devrait l'imprimer au Louvre, par ordre du roi. » « J'en conviens, me dit-il, mais faites-moi le plaisir de ne dire à personne que vous m'ayez lu ce morceau. » Cette frappante manière de s'exprimer me surprit, sans m'effrayer. Je savais que Duclos voyait beaucoup M. de Malesherbes. J'eus peine à concevoir comment il pensait si différemment que lui sur le même objet. Je vivais à Montmorency depuis plus de 4 ans, sans y avoir eu un seul jour de bonne santé. Quoique l'air y soit excellent, les eaux y sont mauvaises, et cela peut très bien être une des causes qui contribuait à empirer mes maux habituels. sur la fin de l'automne 1761, je tombais tout à fait malade et je passais l'hiver entier dans des souffrances presque sans relâche. Le mal physique, augmenté par mille inquiétudes, me les rendit aussi plus sensibles. Depuis quelque temps, de sourds et tristes pressentiments me troublaient sans que je susse à propos de quoi. Je recevais des lettres anonymes assez singulières et même des lettres signées qui ne l'étaient guère moins. J'en reçus une d'un conseiller au Parlement de Paris qui, mécontent de la présente constitution des choses et n'augurant pas bien des suites, me consultait sur le choix d'un asile à Genève ou en Suisse pour s'y retirer avec sa famille. J'en reçus une de Monsieur de, président à Mortier au Parlement de, lequel me proposait de rédiger pour ce Parlement, qui pour lors était mal avec la cour, des mémoires et remontrances, offrant de me fournir tous les documents et matériaux dont j'aurais besoin pour cela. Quand je souffre, je suis sujet à l'humeur. J'en avais en recevant ces lettres. J'en mis dans les réponses que j'y fis, refusant tout à plat ce qu'on me demandait. Ce refus n'est assurément pas ce que je me reproche, puisque ces lettres pouvaient être des pièges de mes ennemis. Et ce qu'on me demandait était contraire à des principes dont je voulais moins me départir que jamais. Mais, pouvant refuser avec aménité, je refusais avec dureté, et voilà en quoi j'eus tort. On trouvera parmi mes papiers les deux lettres dont je viens de parler. Celle du conseiller ne me surprit pas absolument, parce que je pensais, comme lui et comme beaucoup d'autres, que la constitution déclinante menaçait la France d'un prochain délabrement. Les désastres d'une guerre malheureuse, qui tous venaient de la faute du gouvernement, l'incroyable désordre des finances, les tiraillements continuels de l'administration, partagés jusqu'alors entre deux ou trois ministres en guerre ouverte l'un avec l'autre, et qui, pour se nuire mutuellement, abîmaient le royaume. Le mécontentement général du peuple et de tous les ordres de l'État, l'entêtement d'une femme obstinée qui, sacrifiant toujours à ses goûts ses lumières, si tant est qu'elle en eût, écartait presque toujours des emplois les plus capables pour placer ceux qui lui plaisaient le plus. Tout concourait à justifier la prévoyance du conseiller et celle du public et la mienne. Cette prévoyance me mit même plusieurs fois en balance si je ne chercherais pas moi-même un asile hors du royaume, avant les troubles qui semblaient le menacer. Mais, rassuré par ma petitesse et mon humeur paisible, je crus que, dans la solitude où je voulais vivre, nul orage ne pouvait pénétrer jusqu'à moi. Fâché seulement que dans cet état de choses, Monsieur de Luxembourg se prêtât à des commissions qui devait le faire moins bien valoir dans son gouvernement. J'aurais voulu qu'il s'y ménageât, à tout événement, une retraite, s'il arrivait que la grande machine vînt à crouler, comme cela paraissait à craindre dans l'état actuel des choses. Et il me paraît encore à présent indubitable que, si toutes les rênes du gouvernement ne fussent enfin tombées dans une seule main, la monarchie française serait maintenant aux abois. Tandis que mon état empirait, l'impression de l'Émile se ralentissait et fut enfin tout à fait suspendue sans que je pusse en apprendre la raison, sans que Guy daignât plus m'écrire ni me répondre, sans que je pusse avoir des nouvelles de personne ni rien savoir de ce qui se passait, Monsieur de Malesherbes étant pour lors à la campagne. Jamais un malheur, quel qu'il soit, ne me trouble ni ne m'abat, pourvu que je sache en quoi il consiste. Mais mon penchant naturel est d'avoir peur des ténèbres. Je redoute et je hais leur air noir. Le mystère m'inquiète toujours. Il est par trop antipathique avec mon naturel ouvert jusqu'à l'imprudence. L'aspect du monstre le plus hideux m'effraierait peu, ce me semble. Mais si j'entrevois de nuit une figure sous un drap blanc, j'aurais peur. Voilà donc mon imagination, qu'allumait ce long silence occupé à me tracer des fantômes. Plus j'avais à cœur la publication de mon dernier et meilleur ouvrage, plus je me tourmentais à chercher ce qui pouvait l'accrocher, et toujours portant tout à l'extrême, dans la suspension de l'impression du livre, j'en croyais voir la suppression. Cependant, n'en pouvant imaginer ni la cause ni la manière, je restais dans l'incertitude du monde la plus cruelle. J'écrivais lettre sur lettre à Guy, à M. de Malesherbes, à Mme de Luxembourg. Et les réponses ne venant point, ou ne venant pas quand je les attendais, je me troublais entièrement, je délirais. Malheureusement, j'appris dans le même temps que le père Griffet, jésuite, avait parlé de l'Émile et en avait rapporté même des passages. À l'instant, mon imagination part comme un éclair et me dévoile tout le mystère d'iniquité. J'en vis la marche aussi clairement, aussi sûrement que si elle m'eût été révélée. Je me figurais que les jésuites, furieux du ton méprisant sur lequel j'avais parlé des collèges, s'étaient emparés de mon ouvrage, que c'était eux qui en accrochaient l'édition, qu'instruits par Guérin, leur ami, de mon état présent et prévoyant ma mort prochaine, dont je ne doutais pas, ils voulaient retarder l'impression jusqu'alors dans le dessein de tronquer, d'altérer mon ouvrage, et de me prêter, pour remplir leur vue, des sentiments différents des miens. Il est étonnant quelle foule de faits et de circonstances vint dans mon esprit se calquer sur cette folie et lui donner un air de vraisemblance. Que dis-je ? M'y montrer l'évidence et la démonstration. Guérin était totalement livré aux jésuites, je le savais. Je leur attribuais toutes les avances d'amitié qu'ils m'avaient faites. Je me persuadais que c'était par leur impulsion qu'ils m'avaient pressé de traiter avec Néholm, que par le dit Néholm, ils avaient eu les premières feuilles de mon ouvrage, qu'ils avaient ensuite trouvé le moyen d'en arrêter l'impression chez Duchesne, et peut-être de s'emparer de mon manuscrit pour y travailler à leur aise, jusqu'à ce que ma mort les laissât libres de le publier, travesti à leur mode. J'avais toujours senti, malgré le patelinage du père Berthier, que les jésuites ne m'aimaient pas, non seulement comme encyclopédiste, mais parce que tous mes principes étaient encore plus opposés à leurs maximes et à leur crédit que l'incrédulité de mes confrères, puisque le fanatisme athée et le fanatisme dévot, se touchant par leur commune intolérance, peuvent même se réunir comme ils ont fait à la Chine et comme ils font contre moi. Au lieu que la religion raisonnable et morale, autant tout pouvoir humain sur les consciences, ne laisse plus de ressources aux arbitres de ce pouvoir. Je savais que monsieur le chancelier était aussi fort ami des jésuites. Je craignais que le fils, intimidé par le père, ne se vît forcé de leur abandonner l'ouvrage qu'il avait protégé. Je croyais même voir l'effet de cet abandon dans les chicanes que l'on commençait à me susciter sur les deux premiers volumes, où l'on exigeait des cartons pour des riens, tandis que les deux autres volumes étaient, comme on ne l'ignorait pas, remplis de choses si fortes qu'il eût fallu les refondre en entier, en les censurant comme les deux premiers. Je savais de plus, et M. de Malesherbes me le dit lui-même, que l'abbé de Grave, qu'il avait chargé de l'inspection de cette édition, était encore un autre partisan des jésuites. Je ne voyais partout que jésuites, sans songer qu'à la veille d'être anéantis et tout occupés de leur propre défense, ils avaient autre chose à faire que d'aller tracasser sur l'impression d'un livre où il ne s'agissait pas d'eux. J'ai tort de dire « sans songer », car j'y songeais très bien. Et c'est même une objection que M. de Malesherbes eut soin de me faire sitôt qu'il fut instruit de ma vision. Mais, par un autre de ses travers, d'un homme qui, du fond de sa retraite, veut juger du secret des grandes affaires, dont il ne sait rien, je ne voulus jamais croire que les jésuites fussent en danger. Et je regardais le bruit qui s'en répandait comme un leurre de leur part pour endormir leurs adversaires. Leur succès passé, qui ne s'était jamais démenti, me donnait une si terrible idée de leur puissance que je déplorais déjà l'avilissement du Parlement. Je savais que M. de Choiseul avait étudié chez les jésuites, que Madame de Pompadour n'était point mal avec eux, et que leur ligue avec les favorites et les ministres avait toujours paru avantageuse aux uns et aux autres contre leurs ennemis communs. La cour paraissait ne se mêler de rien, et, persuadée que si la société recevait un jour quelque rude échec, ce ne serait jamais le Parlement qui serait assez fort pour le lui porter. Je tirais de cette inaction de la cour le fondement de leur confiance et l'augure de leur triomphe. Enfin, ne voyant dans tous les bruits du jour qu'une feinte et des pièges de leur part, et leur croyant dans leur sécurité du temps pour vaquer à tout, je ne doutais pas qu'ils n'écrasassent dans peu le jansénisme, et le Parlement, et les encyclopédistes, et tout ce qui n'aurait pas porté le joug. Et qu'enfin, s'ils laissaient paraître mon livre, ce ne fut qu'après l'avoir transformé au point de s'en faire une arme, en se prévalant de mon nom pour surprendre mes lecteurs. Je me sentais mourant. J'ai peine à comprendre comment cette extravagance ne m'acheva pas. Tant l'idée de ma mémoire déshonorée après moi, dans mon plus digne et meilleur livre, m'était effroyable. Jamais je n'ai tant craint de mourir, et je crois que si j'étais mort dans ces circonstances, je serais mort désespéré. Aujourd'hui même, que je vois marcher sans obstacle à son exécution le plus noir, le plus affreux complot qui jamais ait été tramé contre la mémoire d'un homme, je mourrais beaucoup plus tranquille, certain de laisser dans mes écrits un témoignage de moi qui triomphera tôt ou tard des complots des hommes. Monsieur de Malesherbes, témoin et confident de mes agitations, se donna, pour les calmer, des soins qui prouvent son inépuisable bonté de cœur. Madame de Luxembourg concourut à cette bonne œuvre et fut plusieurs fois chez Duchesne pour savoir à quoi en était cette édition. Enfin, l'impression fut reprise et marcha plus rondement, sans que jamais j'aie pu savoir pourquoi elle avait été suspendue. Monsieur de Malesherbes prit la peine de venir à Montmorency pour me tranquilliser. Il en vint à bout, et ma parfaite confiance en sa droiture, l'ayant emportée sur l'égarement de ma pauvre tête, rendit efficace tout ce qu'il fit pour m'en ramener. Après ce qu'il avait vu de mes angoisses et de mon délire, il était naturel qu'il me trouvât très à plaindre. Aussi fit-il. Les propos incessamment rebattus de la cabale philosophique qui l'entourait lui revinrent à l'esprit. Quand j'allais vivre à l'ermitage, ils publièrent, comme je l'ai déjà dit, que je n'y tiendrais pas longtemps. Quand ils virent que je persévérais, ils dirent que c'était par obstination, par orgueil, par honte de m'en dédire, mais que je m'y ennuyais à périr et que j'y vivais très malheureux. Monsieur de Malesherbes le crut et me l'écrivit. Sensible à cette erreur, dans un homme pour qui j'avais tant d'estime, je lui écrivis 4 lettres consécutives, où, lui exposant les vrais motifs de ma conduite, je lui décrivis fidèlement mes goûts, mes penchants, mon caractère et tout ce qui se passait dans mon cœur. Ces 4 lettres, faites sans brouillon, rapidement, à trait de plume, et sans même avoir été relues, sont peut-être la seule chose que j'ai écrite avec facilité dans toute ma vie. Et, ce qui est bien étonnant, au milieu de mes souffrances et de l'extrême abattement où j'étais. Je gémissais, en me sentant défaillir, de penser que je laissais dans l'esprit des honnêtes gens une opinion de moi si peu juste. Et, par l'esquisse tracée à la hâte dans ces 4 lettres, je tâchais de suppléer en quelque sorte aux mémoires que j'avais projetées. Ces lettres, qui plurent à Monsieur de Malesherbes et qu'il montra dans Paris, sont en quelque façon le sommaire de ce que j'expose ici plus en détail et méritent à ce titre d'être conservées. On trouvera parmi mes papiers la copie qu'il en fit faire à ma prière et qu'il m'envoya quelques années après. La seule chose qui m'affligeait désormais, dans l'opinion de ma mort prochaine, était de n'avoir aucun homme lettré de confiance entre les mains duquel je pusse déposer mes papiers pour en faire après moi le triage. Depuis mon voyage de Genève, je m'étais liée d'amitié avec Moultou. J'avais de l'inclination pour ce jeune homme et j'aurais désiré qu'il vînt me fermer les yeux. Je lui marquai ce désir et je crois qu'il aurait fait avec plaisir cet acte d'humanité, si ses affaires et sa famille le lui eussent permis. Privé de cette consolation, je voulus du moins lui marquer ma confiance en lui envoyant la profession de foi du vicaire avant la publication. Il en fut content, mais il ne me parut pas dans sa réponse partager la sécurité avec laquelle j'en attendais pour lors les faits. Il désira d'avoir de moi quelques morceaux que n'eût personne autre. Je lui envoyai une oraison funèbre du feu duc d'Orléans que j'avais faite pour l'abbé d'Arty, et qui ne fut pas prononcée, parce que, contre son attente, ce ne fut pas lui qui en fut chargé. L'impression, après avoir été reprise, se continua, s'acheva même assez tranquillement, et j'y remarquai ceci de singulier, qu'après les cartons qu'on avait sévèrement exigés pour les deux premiers volumes, on passa les deux derniers sans rien dire, et sans que leur contenu fît aucun obstacle à sa publication. J'eus pourtant encore quelque inquiétude que je ne dois pas passer sous silence. Après avoir eu peur des jésuites, j'eus peur des jansénistes et des philosophes. Ennemis de tout ce qui s'appelle parti, faction, cabale, je n'ai jamais rien attendu de bon des gens qui en sont. Les commères avaient, depuis un temps, quitté leur ancienne demeure et s'étaient établies tout à côté de moi, en sorte que de leur chambre, on entendait tout ce qui se disait dans la mienne et sur ma terrasse, et que de leur jardin, on pouvait très aisément escalader le petit mur qui le séparait de mon donjon. J'avais fait de ce donjon mon cabinet de travail, en sorte que j'y avais une table couverte d'épreuves et de feuilles de l'Émile et du contrat social. Et brochant ces feuilles à mesure qu'on me les envoyait, j'avais là tous mes volumes longtemps avant qu'on les publiât. Mon étourderie, ma négligence, ma confiance en M. Matta, dans le jardin duquel j'étais clos, faisaient que souvent, oubliant de fermer le soir mon donjon, je le trouvais le matin tout ouvert, ce qui ne m'eût guère inquiété si je n'avais cru remarquer du dérangement dans mes papiers. Après avoir fait plusieurs fois cette remarque, je devins plus soigneux de fermer le donjon. La serrure était mauvaise, la clé ne fermait qu'à demi-tour. Devenu plus attentif, je trouvais un plus grand dérangement encore que quand je laissais tout ouvert. Enfin, un de mes volumes se trouva éclipsé pendant un jour et deux nuits, sans qu'il me fût possible de savoir ce qu'il était devenu jusqu'au matin du troisième jour que je le retrouvai sur ma table. Je n'eus, ni n'ai jamais eu, de soupçons sur M. Matta, ni sur son neveu M. Dumoulin, sachant qu'ils m'aimaient l'un et l'autre, et prenant en eux toute confiance. Je commençais d'en avoir moins dans les commères. Je savais que, quoique janséniste, ils avaient quelques liaisons avec D'Alembert et logeaient dans la même maison. Cela me donna quelque inquiétude et me rendit plus attentif. Je retirai mes papiers dans ma chambre et je cessai tout à fait de voir ces gens-là, ayant su d'ailleurs qu'ils avaient fait parade dans plusieurs maisons du premier volume de l'Émile, que j'avais eu l'imprudence de leur prêter. Quoiqu'ils continuassent d'être mes voisins jusqu'à mon départ, je n'ai plus eu de communication avec eux depuis lors. Le contrat social parut un mois ou deux avant l'Émile. Ré, dont j'avais toujours exigé qu'il n'introduirait jamais furtivement en France aucun de mes livres, s'adressa au magistrat pour obtenir la permission de faire entrer celui-ci par Rouen, où il fit, par mer, son envoi. Ré n'eut aucune réponse, ses ballots restèrent à Rouen plusieurs mois, au bout desquels on les lui renvoya après avoir tenté de les confisquer. Mais il fit tant de bruit qu'on les lui rendit. Des curieux en tirèrent d'Amsterdam quelques exemplaires qui circulèrent avec peu de bruit. Mauléon, qui en avait ouï parler et qui même en avait vu quelque chose, m'en parla d'un ton mystérieux qui me surprit et qui m'eût inquiété même, si certain d'être en règle à tous égards et de n'avoir nul reproche à me faire, je ne m'étais tranquillisé par ma grande maxime. Je ne doutais pas même que M. de Choiseul, déjà bien disposé pour moi, et sensible à l'éloge que mon estime pour lui m'en avait fait faire dans cet ouvrage, ne me soutint en cette occasion contre la malveillance de Madame de Pompadour. J'avais assurément lieu de compter alors, autant que jamais, sur les bontés de M. de Luxembourg, et sur son appui dans le besoin. Car jamais il ne me donna de marque d'amitié, ni plus fréquente, ni plus touchante. Au voyage de Pâques, mon triste état ne me permettant pas d'aller au château, il ne manqua pas un seul jour de me venir voir. Et enfin, me voyant souffrir sans relâche, il fit tant qu'il me détermina à voir le frère Côme, l'envoya chercher, me l'amena lui-même, et eut le courage, rare certes, et méritoire dans un grand seigneur, de rester chez moi durant l'opération, qui fut cruelle et longue. Il n'était pourtant question que d'être sondé, mais je n'avais jamais pu l'être, même par Morand, qui s'y prit à plusieurs fois, et toujours sans succès. Le frère Côme, qui avait la main d'une adresse et d'une légèreté sans égale, vint à bout enfin d'introduire une très petite algalie, après m'avoir beaucoup fait souffrir pendant plus de 2 heures, durant lesquelles je m'efforçais de retenir les plaintes, pour ne pas déchirer le cœur sensible du bon maréchal. Au premier examen, le frère Côme cut trouver une grosse pierre et me le dit. Au second, il ne la trouva plus. Après avoir recommencé une seconde et une troisième fois, avec un soin et une exactitude qui me firent trouver le temps fort long, il déclara qu'il n'y avait point de pierre, mais que la prostate était squireuse et d'une grosseur surnaturelle. Il trouva la vessie grande et en bon état, et finit par me déclarer que je souffrirais beaucoup et que je vivrais longtemps. Si la seconde prédiction s'accomplit aussi bien que la première, mes mots ne sont pas prêts à finir. C'est ainsi qu'après avoir été traité successivement pendant tant d'années pour des maux que je n'avais pas, je finis par savoir que ma maladie, incurable sans être mortelle, durerait autant que moi. Mon imagination, réprimée par cette connaissance, ne me fit plus voir en perspective une mort cruelle dans les douleurs du calcul. Je cessai de craindre qu'un bout de bougie qui s'était rompu dans l'urètre, il y a longtemps, n'eût fait le noyau d'une pierre. Délivré des maux imaginaires, plus cruels pour moi que les maux réels, j'endurais plus paisiblement ces derniers. Il est constant que depuis ce temps, j'ai beaucoup moins souffert de la maladie que je n'avais fait jusqu'alors. Et je ne me rappelle jamais que je dois ce soulagement à M. de Luxembourg, sans m'attendrir de nouveau sur sa mémoire. Revenu pour ainsi dire à la vie, et plus occupé que jamais du plan sur lequel j'en voulais passer le reste, je n'attendais pour l'exécuter que la publication de l'Émile. Je songeais à la Touraine, où j'avais déjà été, et qui me plaisait beaucoup, tant pour la douceur du climat que pour celle des habitants. La terra molle lieta e dilettosa simile a se l'habitator produce. J'avais déjà parlé de mon projet à M. de Luxembourg, qui m'en avait voulu détourner. Je lui en reparlai de rechef, comme d'une chose résolue. Alors, il me proposa le château de Merloux, à 15 lieues de Paris, comme un asile qui pouvait me convenir et dans lequel il se ferait l'un et l'autre un plaisir de m'établir. Cette proposition me toucha et ne me déplut pas. Avant toute chose, il fallait voir le lieu. Nous convînmes du jour où M. le maréchal enverrait son valet de chambre avec une voiture pour m'y conduire. Je me trouvai ce jour-là fort incommodé, il fallut remettre la partie, et les contretemps qui y survinrent m'empêchèrent de l'exécuter. Ayant appris depuis que la terre de Merloux n'était pas à M. le maréchal, mais à Madame, je m'en consolai plus aisément de n'y être pas allé. L'Émile parut enfin, sans que j'entendisse plus parler de carton ni d'aucune difficulté. Avant sa publication, monsieur le maréchal me redemanda toutes les lettres de monsieur de Malesherbes qui se rapportaient à cet ouvrage. Ma grande confiance en tous les deux, ma profonde sécurité, m'empêchèrent de réfléchir à ce qu'il y avait d'extraordinaire et même d'inquiétant dans cette demande. Je rendis les lettres, hors une ou deux, qui, par mégarde, étaient restées dans des livres. Quelque temps auparavant, monsieur de Malesherbes m'avait marqué qu'il retirait les lettres que j'avais écrites à Duchesne durant mes alarmes au sujet des jésuites, et il faut avouer que ces lettres ne faisaient pas grand honneur à ma raison. Mais je lui marquai qu'en nulle chose je ne voulais passer pour meilleur que je n'étais, et qu'il pouvait lui laisser les lettres. J'ignore ce qu'il a fait. La publication de ce livre ne se fit point avec cet éclat d'applaudissements qui suivait celle de tous mes écrits. Jamais ouvrage n'eut de si grands éloges particuliers, ni si peu d'approbation publique. Ce que m'en dirent, ce que m'en écrivirent, les gens les plus capables d'en juger, me confirma que c'était là le meilleur de mes écrits, ainsi que le plus important. Mais tout cela fut dit avec les précautions les plus bizarres, comme s'il eût importé de garder le secret du bien que l'on en pensait. Madame de Boufflers, qui me marqua que l'auteur de ce livre méritait des statues et les hommages de tous les humains, me pria sans façon, à la fin de son billet, de le lui renvoyer. D'Alembert, qui m'écrivait que cet ouvrage décidait de ma supériorité et devait me mettre à la tête de tous les gens de lettres, ne signa point sa lettre, quoiqu'il eût signé toutes celles qu'il m'avait écrites jusqu'alors. Duclos, ami sûr, homme vrai mais circonspect, et qui faisait cas de ce livre, évita de m'en parler par écrit. La condamine se jeta sur la profession de foi et battit la campagne. Clairaut se borna dans sa lettre au même morceau. Mais il ne craignit pas d'exprimer l'émotion que sa lecture lui avait donnée. Et il me marqua, en propres termes, que cette lecture avait réchauffé sa vieille âme. De tous ceux à qui j'avais envoyé mon livre, il fut le seul qui dit hautement et librement à tout le monde tout le bien qu'il en pensait. Ma tasse, à qui j'en avais aussi donné un exemplaire avant qu'il fût en vente, le prêta à M. de Blair, conseiller au Parlement, père de l'intendant de Strasbourg. M. de Blair avait une maison de campagne à Saint-Gratien, et Mata, son ancienne connaissance, l'y allait voir quelquefois quand il pouvait aller. Il lui fit lire l'Émile avant qu'il fût public. En le lui rendant, M. de Blair lui dit ses propres mots, qui me furent rendus le jour même. « Monsieur Mata, voilà un fort beau livre, mais dont il sera parlé dans peu, plus qu'il ne serait à désirer pour l'auteur. » Quand il me rapporta ce propos, je ne fis qu'en rire, et je n'y vis que l'importance d'un homme de robe qui met du mystère à tout. Tous les propos inquiétants qui me revinrent ne me firent pas plus d'impression, et loin de prévoir en aucune sorte la catastrophe à laquelle je touchais, certain de l'utilité et de la beauté de mon ouvrage, certain d'être en règle à tous égards, certain, comme je croyais l'être, de tout le crédit de Madame de Luxembourg et même de la faveur du ministère, je m'applaudissais du parti que j'avais pris de me retirer au milieu de mes triomphes, et lorsque je venais d'écraser tous mes envieux. Une seule chose m'alarmait dans la publication de ce livre, et cela moins pour ma sûreté que pour l'acquis de mon cœur. À l'Ermitage, à Montmorency, j'avais vu de près et avec indignation les vexations qu'un soin jaloux des plaisirs des princes fait exercer sur les malheureux paysans, forcés de souffrir le dégât que le gibier fait dans leurs champs, sans oser se défendre qu'à force de bruit et forcés de passer les nuits dans leurs fèves et leurs pois, avec des chaudrons, des tambours, des sonnettes, pour écarter les sangliers. Témoin de la dureté barbare avec laquelle M. le comte de Charolois faisait traiter ces pauvres gens, j'avais fait, vers la fin de l'Émile, une sortie contre cette cruauté. Autre infraction à mes maximes, qui n'est pas restée impunie. J'appris que les officiers de Monsieur le prince de Conti n'en usaient guère moins durement sur ces terres. Je tremblais que ce prince, pour lequel j'étais pénétré de respect et de reconnaissance, ne prît pour lui ce que l'humanité révoltée m'avait fait dire pour son oncle, et ne s'en tint offensé. Cependant, comme ma conscience me rassurait pleinement sur cet article, je me tranquillisai sur son témoignage, et je fis bien. Du moins, je n'ai jamais appris que ce grand prince ait fait la moindre attention à ce passage, écrit longtemps avant que j'eusse l'honneur d'être connu de lui. Peu de jours avant ou après la publication de mon livre, car je ne me rappelle pas bien exactement le temps, parut un autre ouvrage sur le même sujet, tiré mot à mot de mon premier volume, hors quelques platises dont on avait entremêlé cet extrait. Ce livre portait le nom d'un Genevois appelé Balexer, et il était dit, dans le titre, qu'il avait remporté le prix à l'Académie de Harlem. Je compris aisément que cette Académie et ce prix étaient d'une création toute nouvelle pour déguiser le plagiat aux yeux du public. Mais je vis aussi qu'il y avait à cela quelque intrigue antérieure à laquelle je ne comprenais rien. Soit par la communication de mon manuscrit, sans quoi ce vol n'aurait pu se faire, soit pour bâtir l'histoire de ce prétendu prix, à laquelle il avait bien fallu donner quelques fondements. Ce n'est que bien des années après que, sur un mot échappé à Divernois, j'ai pénétré le mystère et entrevu ceux qui avaient mis en jeu le sieur Balexer. Les sourds mugissements qui précèdent l'orage commençaient à se faire entendre, et tous les gens un peu pénétrants virent bien qu'il se couvait, au sujet de mon livre et de moi, quelque complot qui ne tarderait pas d'éclater.